y a 50 ans, en juillet 1971, était mise au jour dans la cône de l'Arago, près du village de Totavel dans les Pyrénées-Orientales, un bout de crâne humain vieux de 450 000 ans, en faisant l'un des plus anciens représentants du genre homo retrouvé en Europe. 50 ans plus tard, la grotte de Totavel n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Un nouveau fragment osseux de Péroné vient d'être identifié comme appartenant à un être humain également, complétant l'incroyablement riche collection de fragments osseux et d'artefacts que recèle ce site sur une tranche chronologique allant de 80 000 à 700 000 ans. Et avec cette question toujours en suspens, qui était vraiment l'homme de Totavel ? Totavel, on est encore tombé sur un os, c'est le programme sans fond qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue à la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire extrêmement riche de cette cône de l'Arago et de ces centaines de milliers d'années d'histoire d'un genre homo encore incertain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amélie Viallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre du programme de recherche de la grotte de Totavel. Et nous sommes en ligne avec Christian Pernoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même à Totavel en ce moment, vous êtes géoarchéologue, directeur géoarchéologue au Muséum National d'Histoire Naturelle également et directeur des fouilles à la cône de l'Arago depuis 2007. Mais on commence par un tour de l'actualité spatiale et surtout martienne du jour avec le journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et Natacha, la NASA vient tout juste de confirmer il y a quelques minutes la réussite du deuxième vol du drone de l'hélicoptère Ingenuity sur la planète Mars. Oui, cette semaine, le mini-robot est entré dans l'histoire avec le premier vol motorisé sur une autre planète. Lundi, l'hélicoptère de la mission Perseverance a réussi un vol sur place de 39 secondes à 3 mètres du sol. Ce matin, à 11h30, la NASA a poussé ses capacités un peu plus loin avec un vol de 50 secondes à 5 mètres de haut et un déplacement latéral de 2 mètres sur le côté. Les données arrivent sur Terre seulement depuis 15h30-15h40, donc on devrait en savoir plus dans quelques heures. Et la mission Perseverance, Natacha, accumule les premières puisque hier, la NASA a confirmé que le rover a fabriqué de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. Et après avoir volé sur Mars, on a fabriqué de l'oxygène sur Mars. C'est la première fois que l'on convertit du CO2 en oxygène sur une autre planète. Le premier test de l'expérience MOXIE s'est déroulé mardi. Alors MOXIE est un appareil conçu par le MIT. Il est embarqué à l'avant du rover Perseverance. Et c'est une première étape pour résoudre l'un des problèmes majeurs de l'exploration spatiale, les ressources en oxygène. Par exemple, pour un voyage aller-retour sur Mars, on estime que chaque astronaute aurait besoin d'une tonne d'oxygène par an et qu'il faudrait des réservoirs de 25 tonnes d'oxygène, ce qui est beaucoup trop lourd à transporter. Mais l'atmosphère martienne est principalement composée de CO2. Et le CO2 est constitué d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Alors, ce que fait MOXIE, c'est qu'il aspire par filtre l'atmosphère martienne, il la chauffe à 800 degrés, ce qui permet d'arracher les atomes d'oxygène du dioxyde de carbone et d'évacuer le monoxyde de carbone. Cela a ainsi produit 5,4 grammes d'oxygène en une heure, ce qui permettrait à un astronaute de respirer pendant 10 minutes. Alors, 9 autres expériences sont prévues, MOXIE devrait pouvoir générer jusqu'à 10 grammes d'oxygène par heure. Voilà, toute l'actualité martienne, toute l'actualité du Covid, toute l'actualité des sciences en somme, vous pouvez la retrouver via les études originales que nous postons à chaque fois sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Pour lutter contre le Covid-19, l'Angleterre lance un nouveau groupe de travail pour développer des antiviraux contre le virus. Et le gouvernement britannique se prépare déjà à une nouvelle vague et cherche à compléter son arsenal contre le SARS-CoV-2. Le Royaume-Uni veut donc accélérer le développement de traitements à base d'anticorps monoclonaux pour agir dès les premiers stades de la maladie et arrêter la propagation d'une infection avant qu'elle ne se transforme en maladie grave. L'objectif est de développer d'ici l'automne au moins 2 nouveaux médicaments disponibles à domicile pour les patients positifs et à risque. Et pour finir, il devait partir ce matin. Et bien finalement, Thomas Pesquet ne partira avec ses coéquipiers pour la station spatiale internationale que demain, Natacha. Et suite à une mauvaise météo, le décollage de la fusée Crew Dragon de SpaceX est reporté donc à demain matin. La mission Crew 2 est composée de deux Américains, d'un Japonais et pour la première fois d'un commandant de bord de l'ISS européen, le Français Thomas Pesquet. Alors lors de ce séjour de 6 mois, des travaux de rénovation de l'ISS sont prévus, mais aussi de nombreuses expériences scientifiques, parmi elles celle des laboratoires du CNRS, dont l'expérience Lumina pour mesurer le niveau d'exposition aux radiations cosmiques des astronautes, ou encore l'expérience Blob, un huitième passager embarqué à bord de l'ISS pour observer comment cet organisme monocellulaire se développe dans l'espace. Voilà, il faut avoir confiance ou ne pas connaître le cinéma pour savoir qu'en général, les huitièmes passagers dans l'espace, ça se passe pas très très bien. Mais ça va évidemment, avec un Blob, se passer merveilleusement bien. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences et pour le journal de la science-fiction. La cône de l'Arago, plus connue sous le nom de Grotte de Totavel, est un site exceptionnel à plus d'un titre. Connu depuis le milieu du 19e siècle, c'est au milieu des années 60 que les fouilles vont commencer à en révéler l'incroyable richesse sous l'impulsion de Henri et Marie-Antoinette de Lumley, qui, après avoir trouvé une première dent prometteuse en 1965, mettront au jour le crâne de ce qui deviendra l'homme de Totavel en juillet 1971, il y a donc 50 ans. Un crâne à bien des titres mystérieux aujourd'hui encore, puisqu'il s'agit d'un représentant très ancien du genre Homo, daté à 450 000 ans avant notre ère. Son espèce exacte fait encore débat entre un Homo erectus européen ou un Homo heidelbergensis, soit un cousin pas si lointain de Néandertal. Je vous propose d'ailleurs d'entendre la voix d'Henri de Lumley. Il évoque cette richesse de la grotte dans notre archive du jour. Nous sommes sur France Culture en août 1979. La cône de l'Arago à Totavel est un gisement tout à fait exceptionnel parce qu'il est très ancien et parce qu'il est extraordinairement riche. Pour la première fois, nous avons un site qui contient de nombreux restes humains et qui nous permet pour la première fois d'avoir une image de ces hommes qui sont arrivés en Europe il y a très longtemps, qui ont été les premiers habitants de l'Europe. En effet, nous avons découvert à l'Arago de nombreux restes humains et c'est l'intérêt exceptionnel du site de la cône de l'Arago. Nous avons découvert, si je vous fais une petite histoire, une découverte de restes humains, en 1969, une première mandibule humaine, qui est une mandibule d'une femme d'une quarantaine, une cinquantaine d'années environ. Nous connaissons un peu l'âge d'après l'état d'usure des dents, par exemple. Puis, en 1970, nous avons découvert une deuxième mandibule d'un individu beaucoup plus robuste et qui devait certainement être un homme, d'un individu jeune, d'ailleurs d'une vingtaine d'années. Et enfin, en 1971, nous avons découvert la face complète d'un homme que nous appelons l'homme de Totavel. Et pour la première fois, nous avions en 1971, une face complète d'un homme qui vécut en Europe avant l'homme de Néandertal. Voilà la voix d'Henri de Lumley en 1979. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Christian Pernoud ? Oui, c'est émouvant. Le fait aussi qu'il ne se mouille pas trop sur l'âge, ouais. Puisqu'en 1979, les techniques de datation étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, même si dans 20 ans, ce sera encore mieux. Et puis, finalement, oui, la mesure du chemin parcouru, quand même, puisque Arago, en 1971, Arago, c'était Arago 21, le 21e reste humain, et maintenant, on en est à 152. Il y a eu 131 restes dans ces derniers 50 ans, finalement. Votre réaction, Amélie Vialet, à cette voix d'Henri de Lumley ? Eh bien, il a perdu son accent méridional aujourd'hui, c'est ce que je peux vous dire. C'est assez étonnant de le remarquer. Et à l'inverse, en fait, ses conclusions sur ces hommes de Totavel, hommes, femmes, âge, etc., étaient un petit peu finalement affirmées. Alors qu'aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup plus sur l'étude de la variabilité, c'est vrai que ces caractères plus robustes, plus graciles, qui nous permettent de déterminer le sexe notamment des individus, on est peut-être un petit peu plus prudent aujourd'hui. Le 17 mars dernier, un ossement a été identifié comme appartenant à un être humain. Cette identification a été faite 18 ans après son excavation. Oui, c'est ça. C'est fou, 18 ans d'attente pour être sûr de l'origine de ce fragment d'ossement. Oui, alors finalement 18 ans pour le déterminer. On ne s'est pas posé de questions pendant 18 ans, mais c'est une bonne illustration, je trouve, de ces allers-retours qu'on a entre justement le terrain, la mise au jour de nouveaux restes, et puis tout ce qu'on a en réserve dans les laboratoires et ce travail permanent tout au long de l'année que l'on fait ensemble dans une équipe pluridisciplinaire. Donc justement, ça permet de redécouvrir des ossements et un moment donné, on est peut-être plus attentif ou on a une recherche plus axée voilà, sur ce vestige en particulier. Donc ce petit fragment, hein, à peine 5 cm de long, fragment d'un os qu'on appelle, nous, la fibula, mais qui est plus connu sous le nom de péroné, qui est cet os du mollet qui accompagne le tibia, est évidemment un événement et nous amène à 152 restes humains pour ce site, ce qui est exceptionnel. On comprend bien, je le disais dans l'introduction, hein, autour de 400 000 objets excavés de cette cône de l'Arago. Donc il faut évidemment, quand on trouve des ossements, être extrêmement précautionneux quant à savoir s'il s'agit d'ossements animaux ou d'ossements humains. Quel est par exemple le parcours au cours de ces 18 ans pour attester de l'origine humaine de ce nouveau fragment qui vient d'être identifié, Christian Pernoud? Ben, en fait, il y a. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de mettre autant de temps, mais comme l'a précisé Amélie, donc il y a 162 taxons, 162 espèces différentes jusqu'à présent retrouvées dans la cône de l'Arago. Et ce qui fait la particularité d'un site, donc d'une accumulation anthropique, c'est que les ossements sont tous complètement fracturés. C'est des puzzles, et donc retrouver un petit morceau comme ça de quelques centimètres, c'est quand même une prouesse, même quelques années après. Mais alors justement, puisqu'on sait que à cette datation-là, puisque je l'ai dit, alors vous me redirez exactement quel est l'âge ou comment a été daté ce petit fragment de péroné, mais on sait que l'ADN est très fragile, qu'il disparaît très vite, qu'on peut pas avoir recours à l'ADN pour identifier l'espèce. Comment on fait, quel a été le parcours pour s'assurer que ce petit fragment de quelques centimètres de péroné est bien un fragment humain, Christian Pernoud? Donc là, c'est vraiment l'anatomie, c'est vraiment les critères qui font qu'il y a les éléments, des petites crêtes, la section, la forme générale de l'objet qui nous permettent d'être sûrs. Alors il y a, en fait, il y a les objets que, pour être caricatural, le crâne humain, évidemment, on le voit depuis le terrain. Comme je le disais, les objets sont très fragmentés, donc on peut ne pas voir des objets sur le terrain, mais l'étude que l'on fait à la fin de la fouille chaque année va permettre normalement de voir tout ce qui n'aurait pas été vu sur le terrain, tout ce qui n'aurait pas été reconnu sur le terrain comme reste humain. Et puis évidemment, c'est le travail habituel, c'est déterminer les espèces pendant tout le reste de l'année, avant la fouille suivante. Et puis, il y a toute une partie de matériel qui font voilà, quelques centimètres, qui n'ont pas les caractères ou pas suffisants, et qu'on va tout à fait au début dire, bon, ça c'est des grands herbivores, des petits herbivores. Et puis petit à petit, on va de plus en plus loin, et on reprend chaque tas qui est moins bien déterminé, on va dire. Et puis petit à petit, on affine. Et voilà, c'est lors d'une reprise de reprise, je sais pas combien de fois il l'avait déjà été vu, que le spécialiste a fini par voir, ah, il y a une petite crête là qui permet vraiment d'assurer que c'est un morceau de fibula. Amélie Viallet, ça veut dire qu'aujourd'hui il reste des objets qui ne sont pas caractérisés, dont on ne connaît pas, qu'on n'a pas réussi à identifier, dont on n'a pas réussi à identifier la provenance. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, comme le dit Christian, finalement, beaucoup d'ossements sont assez fragmentés. Donc, c'est vrai qu'il faut des caractéristiques anatomiques bien précises, des crêtes ou autres, des sections, comme l'expliquait Christian, pour vraiment faire une détermination. Après, ce qui est quand même important de noter, c'est, vous parliez du parcours, à partir de la fouille, en fait, on va avoir vraiment une méthode très, très rigoureuse d'enregistrement des coordonnées 3D de chaque ossement qui est mis au jour. On a des carnets de fouille qui sont ensuite inventoriés et puis qui sont surtout passés en 3D. En 3D, bien sûr. Oui. Voilà, et du coup, on peut remonter à l'information. Donc là, on a pu précisément resituer cet ossement, savoir exactement quel jour il avait été découvert. Et on a des dessins aussi qui sont faits sur le terrain à ce moment-là. Et donc, on retrouve toute cette information. Ça, c'est important. C'est vraiment cette histoire d'aller-retour entre le terrain et le laboratoire. Alors après, on peut se poser la question aussi de pourquoi est-ce que ces ossements sont souvent fracturés? Parce que ça, c'est une information en soi. Voilà. Et surtout, surtout sur les restes humains. Parce que finalement, on trouve ces restes humains à l'Arago, et c'est en effet assez exceptionnel pour cette période de temps, puisqu'on en a pour les plus anciens qui sont à 550 000 ans et d'autres qui sont à 450 000 ans, les plus connus, les fameux représentants de l'homme de Totavel. Voilà. Mais ils sont mélangés, comme l'a aussi rappelé Christian, à une série d'ossements fracturés qui sont des ossements de grands mammifères qui ont été consommés, qui ont été apportés là par les hommes mêmes de l'époque et qui ont été donc fracturés sur place pour récupérer souvent la moelle ou voilà, le maximum de viande qu'on pouvait détacher, etc. Et on se rend compte finalement que les restes humains ont subi quasiment le même sort. On retrouve les mêmes stigmates qu'on appelle nous des traces de découpe, hein, qui sont donc des traces de gestes de boucherie sur les restes animaux comme sur les restes humains. Ce qui pose la question du cannibalisme, et on la posera tout à l'heure pour savoir un peu qui étaient ces hommes et ces femmes de Totavel, comment ils vivaient et quelle était la vie et les usages dans cette cône de l'Arago. Un mot tout de même pour passer, avant de passer précisément à cette grotte, les fouilles continuent. Aujourd'hui, sur les couches stratigraphiques, on est arrivé, vous l'avez dit, à 550 000 ans. Ça veut dire qu'on peut continuer à descendre, on peut continuer encore à remonter. La grotte de Totavel a encore quelques surprises en réserve qui n'ont pas été excavées pour le moment, Christian Pernoud. Oui, tout à fait. Il y aura des surprises encore dans les tiroirs. Certainement, mais il y aura surtout d'énormes travaux encore à faire dans la grotte elle-même, puisque environ deux tiers du travail a été fait depuis 1964. Donc, pour vos auditeurs, j'ose me permettre de rappeler que c'est pas, on est quand même assez efficace. Vous avez dit qu'il y avait 400 000 objets retrouvés. En fait, c'est 400 000 objets positionnés au demi-centimètre dans l'espace de la grotte. Mmh. Après, il y a des centaines de milliers d'autres objets qui sont également analysés, mesurés, déterminés, qui permettent de, qui contribuent aussi à déterminer les paléo-environnements, les paléo-climats. Et donc ça, c'est les on va dire 600 000 objets qui sont dans la base de données à l'heure actuelle, il y en a un peu plus, c'est sur 11 mètres d'épaisseur de dépôt qui ont déjà été fouillés, donc entre 80 000 et 560 000 ans. Et il reste encore 7 mètres à fouiller, entre 560 000 et 690 000 ans, qui est la date la plus ancienne obtenue sur des calcites, qui sont remontés donc par carottage, en fait, un peu comme les pétroliers vont faire des carottages pour aller chercher le pétrole. Nous, on fait des carottages en grotte pour retirer le sédiment, mais l'analyser, ce sédiment, et voilà, et des datations sur les couches les plus profondes de la cône de l'Arago nous donnent cet âge proche de 700 000 ans. Ou comme les glaciologues, si on veut prendre une autre image que les pétroliers. Oui, c'est, je préfère d'ailleurs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons avec Amélie Viale et Christian Pernoud de la cône de l'Arago, mieux connue sous le nom de grotte de Totavel. Rapidement, en quelques mots, Christian Pernoud, c'est vrai qu'elle a été identifiée comme site préhistorique dès le milieu du 19e siècle, des premières fouilles dans les années 50, mais c'est vraiment au début des années 60 qu'on commence à se rendre compte du gisement que représente ce site de fouilles. Oui, en 1829, c'est un site paléontologique et qui a été délaissé. Donc c'est Joseph Farine, d'un village proche, et Marcel de Serres, par la suite, qui ont déterminé des animaux qui qualifiaient d'antédiluviens, mais ils n'ont pas reconnu le fait que c'était l'homme qui les avait apportés. Ils pensaient qu'ils étaient tombés, on va dire, naturellement. Enfin, c'était plus le catastrophisme ce qui prévalait à l'époque. Et donc, la grotte, finalement, a été délaissée, fort heureusement, dans un sens, puisqu'on a des méthodes quand même beaucoup plus... qui vont beaucoup plus loin à l'heure actuelle, jusqu'en 1948. En 1948, c'est l'abbé Abellanet, Jean Abellanet de Rivesaltes, qui lui reconnaît la dimension archéologique du site. Et en 1963, il vient avec Monsieur de Lumley, donc dans la cône de l'Arago. Et là, c'est le début de la grande aventure des chantiers de fouilles, avec une méthode rigoureuse qui va en s'améliorant, mais qui prend au moins autant d'informations maintenant qu'il n'en était prise en 1964. Alors, on a évidemment envie d'y aller. Vous êtes à Totavel, Christian Pernoud, mais je vais demander à Amélie Viale, décrivez-moi un peu cette cône de l'Arago, à quoi ça ressemble maintenant. On a envie d'y être avec des images. Oui, alors moi, c'était une découverte fabuleuse pour moi. Je suis allée il y a 25 ans, c'était mon premier chantier de fouilles parce que la fouille sert vraiment d'école, en fait, de fouilles pour les étudiants du monde entier. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et alors, la vallée de Totavel, en fait, ne manque plus que les hommes préhistoriques parce qu'elle elle est spectaculaire, elle a une géologie locale qui est vraiment fascinante et qui vraiment permet ce voyage dans le temps. Et la grotte elle-même, bon, elle est un petit peu différente de ce qu'elle était à l'origine. Elle est perchée à 80 mètres de haut à peu près, donc elle a une très belle vue sur la vallée. Mais aujourd'hui, parce que finalement une lucarne s'est ouverte, alors que la grotte devait être beaucoup plus sombre et on devait y arriver par finalement une petite ouverture, enfin une petite galerie en fait, qui n'apportait pas la lumière en tout cas qu'on a aujourd'hui. C'est une grotte qui aujourd'hui est très lumineuse, c'est agréable d'y travailler, mais il faut transposer au temps préhistorique et se rendre compte qu'elle a un peu évolué dans ses parois, dans ses voûtes qui pour partie se sont effondrées. Donc la physionomie actuelle est un peu différente. Elle fait une dizaine de mètres de large, une vingtaine, trentaine de mètres de long pour la partie sur laquelle on travaille, parce que finalement il y a presque à peu près l'équivalent sur le fond de la grotte qui dès l'origine a été en fait conservé comme réserve archéologique par l'équipe du professeur Henri de Lemley, comme une volonté pour que à l'avenir on puisse revenir sur ces données. Sur ces données avec de nouveaux outils. Exactement. Dans le futur, comme c'est fait d'ailleurs avec le matériau lunaire ou enfin ces découvertes dont on attend que la technique s'améliore pour essayer d'imaginer d'autres formes de découvertes. Christian Pernoud, à votre tour, décrivez-la nous aussi peut-être un peu dans son environnement. Pourquoi est-ce que ce site a été si exceptionnel? C'est parce qu'il a été fréquenté, parce qu'il a été exceptionnel de tout temps en quelque sorte et que c'était un endroit très important bien vis-à-vis de sa localisation. Je vous laisse mettre des images sur ces mots. Oui, Amélie l'a bien décrit, c'est une magnifique vallée, la vallée de Totavel-Vingros. Elle est cernée de falaises et il y a une rivière, le Verdouble, qui coule toute l'année, même si elle est bien faible ces temps-ci, et qui a coulé pendant toutes les périodes, même les plus sèches de la préhistoire. Donc quand un groupe humain était présent à la cône de l'Arago, il avait un abri contre la tramontane. Il faut imaginer, quand on est en période glaciaire, déjà que à ces saisons, la tramontane en hiver n'est pas agréable. Donc il pouvait se protéger du vent, il pouvait se protéger d'animaux qui ne lui voulaient pas du bien. Il avait l'eau en permanence au bas de son habitat, quand il était là. C'est très, très temporaire, finalement, lors d'une vie de ces hominidés. Il pouvait chasser les animaux qui venaient justement s'abreuver. Et il avait depuis la grotte un magnifique observatoire. Et les falaises également réverbèrent beaucoup les sons. Et donc il y a une très bonne acoustique. Et je pense que dès qu'un troupeau de cheval ou de bison ou de renne, ou quand un rhinocéros était embourbé et était victime de quelques lions ou autres, il devait tout de suite être averti. Alors ça vaut évidemment que quand l'homme est présent dans la grotte, et ça c'est, vous allez rire, c'est une fois tous les 10 000 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas été a priori un site de résidence comme on peut se l'imaginer. On se dit une grotte, c'est l'endroit où des gens vivaient à l'intérieur, à l'extérieur. Les hommes ou les femmes d'ailleurs en tout cas partaient chasser, revenaient et puis on restait longtemps. C'était plus un site de passage en quelque sorte, Amélie Viallet? Alors en effet, tout au long de cette haute stratigraphie qu'on a décrite, qui est dégagée sur 11 mètres de haut aujourd'hui, on a 55 niveaux d'occupation par différents groupes d'hommes. Et en fait, on se rend compte par l'étude justement du matériel archéologique, qui est plus ou moins abondant, qui est plus ou moins diversifié dans les espèces de mammifères qui sont représentées, etc., qu'on a des petites haltes de chasse. Les chasseurs sont venus, ils ont chassé une seule et même espèce, souvent, enfin, par exemple, je pense aux rennes, et puis ils sont repartis assez vite, la durée d'occupation paraît assez courte. À l'inverse, sur ces sols, enfin, notamment le niveau qu'on appelle le sol G, qui est celui de l'homme de Totavel à 450 000 ans, là on a une plus grande abondance des vestiges et puis on a une plus grande diversité des animaux représentés et puis on va avoir justement des restes humains et parmi ces restes humains on va avoir des dents humaines, des dents d'adultes mais aussi des dents de lait d'enfant. Des dents de lait d'enfants décédés en quelque sorte et des dents de lait perdues naturellement. Donc là, on voit bien qu'on a le groupe et qu'on a une occupation de plus longue durée. Donc on a une alternance dans les modes de vie tout au long de ces milliers d'années. Et sur ces 55 strates d'occupation, elles s'échelonnent sur l'ensemble de la période qui va de, alors 700 000, on ne sait pas encore, mais en tout cas de 550 000 à environ 100 000, 90 000 ans, Christian Pernoud ? Oui, les 55 occupations sont dans la partie fouillée. Par contre, il existe encore, donc on a eu, dès les débuts, des lettres ont été utilisées pour les différents niveaux d'occupation. Et dans les 7 mètres à fouiller, les carottages ont remonté du matériel paléontologique, donc des animaux qui auraient pu être victimes de carnivores et qu'un carnivore aurait ramené dans la grotte, mais également des pierres taillées. Et donc on est certain qu'il y a des occupations humaines jusqu'à 700 000 ans dans la cône de l'Arago. Et c'est évidemment le potentiel phénoménal qui reste encore à, j'aime pas le mot, mais à exploiter. Et il y a 700 000 ans, vous le disiez tout à l'heure, Amélie Vialet, elle était différente cette grotte, hein, jusqu'à 123 mètres de longueur. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui toute une partie qui s'est évidemment effondrée autour de 90-95 000 ans, hein, puisque ça s'arrête net. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une partie à laquelle on a plus accès, auquel on ne peut pas avoir accès. Ah oui, c'est vrai que la zone un peu antérieure, en fait, l'entrée, on pourrait dire le porche d'entrée, est une espèce de réserve archéologique pour l'instant. On n'a pas encore fait les fouilles dans cette zone-là, c'est un des projets de Christian notamment. Et puis, c'est vrai que peut-être on a perdu une petite partie, un petit peu en amont justement. Donc c'est aussi des zones qu'on pourrait explorer à l'avenir. Et vous, quand on parle de ces strates, ça veut dire que tout ça est extrêmement organisé. Comment on explique Amélie Vialet, géologiquement, que tout ça soit aussi bien organisé, que ça n'ait pas bougé pendant toute cette période-là, il n'y a pas eu d'infiltration de pluie, que ça ne se soit pas mélangé. Je crois que c'est Christian Pernoud qui parlait d'une lecture diachronique rarissime en termes de sites archéologiques. Oui, alors moi j'en parle surtout au niveau paléanthropologique, par rapport aux restes humains. En fait, c'est vrai que c'est l'intérêt de cette grotte, c'est justement qu'on a une unité de lieu dans le même lieu, avec une variation de paysage, parce qu'au fur et à mesure, au cours du temps, en effet, il y a un changement dans l'environnement dû au changement climatique. Hein, on va passer des phases glaciaires, des phases interglaciaires, des périodes donc plus ou moins froides ou plus ou moins chaudes, et tout suit. Hein, la flore, la faune va être modifiée en conséquence. Donc on a une unité de lieu, on a une variation comme ça du décor, si je puis dire, et donc on peut avoir ensuite, grâce à ces restes humains qui sont dans des niveaux, notamment à 450 000 ans ou à 550 000 ans, eh bien on va pouvoir identifier des groupes à différents moments. Donc on a une lecture diachronique tout au long du temps. Et ça, c'est rarissime dans un site archéologique, dans un site aussi ancien. Si on prend les sites espagnols, ils sont très connus, par exemple la Cima de los Huesos, c'est un instantané. Vous avez une petite population, certes bien documentée, il y a 6000 restes humains pour le coup, hein, donc on est battu totalement, mais on est autour de 400 000 ans. Voilà, c'est un instantané. À Totavel, vous avez une lecture dans le temps qui s'avère ouais. Possible. Et alors justement, Christian Pernoud, comment est-ce qu'on explique cette préservation diachronique incroyable et rarissime à Totavel ? La cavité elle-même, déjà, qui est relativement grande pour une cavité des corbières. Ensuite, les conditions climatiques qui font que lorsque la tramontane souffle, en l'occurrence, une expérimentation à la météorologie nationale à Toulouse l'a bien mise en évidence, que les petits grains de sable vont être balayés du fond de vallée, vont remonter sous le vent, en fait juste devant la grotte, et puis à la suite d'un orage par exemple, vont être accumulés dans la grotte. Et donc en période froide et sèche, quand le vent va pouvoir mobiliser ces particules, quand il n'y a pas de végétation, vous avez une accumulation assez importante qui s'opère dans la grotte, mais de la même manière, enfin pas de la même manière, mais vous avez en période tempérée humide, vous avez également des dépôts qui vont se faire dans la cône de l'Arago, d'anciennes alluvions qui existaient sur le plateau vont petit à petit être ruisselées dans la grotte par les petites fissures, vont passer à travers les diaclases et les petites failles et vont accumuler d'autres couches. Et dans la grotte, il y a donc cette alternance de couches dont les caractéristiques donc des minéraux, des roches, de l'organisation des particules elles-mêmes. Il y a tout un tas de disciplines de l'étude des sédiments qui vont permettre de dire que donc on a des dépôts aussi bien dans la grotte en période tempérée humide qu'en période froide et sèche. Et ce qui est finalement une des informations importantes de la cône de l'Arago, comme l'a dit Amélie, c'est qu'il y a en fait des groupes humains qui vont venir, donc une saison, quelques jours, un petit peu plus, aussi bien en période froide qu'en période tempérée. Et tous ces restes vont être préservés grâce au mécanisme que vous venez de décrire. Alors, ce qui est aussi passionnant avec cette cône de l'Arago, c'est que, comme on l'a dit, on est sur des dates très reculées. Donc, qui dit date reculée dit pas de datation possible au carbone 14, puisqu'il y a une limite temporelle à ce que peut dater le carbone 14. Et ce qui fait de Totavel, eh bien, un laboratoire scientifique parfait pour tester de nouvelles méthodes de datation au fil du temps. Et c'est ce à quoi vous vous êtes intéressé, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, la grotte de Totavel est depuis le début des travaux initiés par Henri et Marie-Antoinette de Lemelet, un espace d'expérimentation, notamment, vous le disiez, en ce qui concerne les méthodes de datation. Christophe Falguer est directeur de recherche CNRS, membre de l'unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum national d'histoire naturelle, et il travaille sur le site de la cône de l'Arago depuis plus de 30 ans. Il nous explique comment sont combinées aujourd'hui à Totavel les méthodes de datation telles que la datation par résonance de spin électronique, autrement nommée ESR, ou encore les séries de l'uranium. Et il nous dit pourquoi cette combinaison permet aujourd'hui d'affiner notre connaissance de la chronologie dans les différentes strates d'occupation du site de Totavel. Le grand intérêt de ce site, c'est la diversité des échantillons sur lesquels on peut appliquer des méthodes de datation. Ça, c'est le premier point extrêmement positif. On peut tout faire. Il y a de la calcite, des spéléothèmes, des planches et stalagmitiques magnifiques qui peuvent être datées par les séries de l'uranium. Il y a des dents et des ossements d'animaux qui peuvent être datés par les méthodes combinées ESR et les séries de l'uranium. Ce qui a fait la grande réputation du site, c'est la datation non destructive par spectrométrie gamma de l'homme de Totavel, qui à l'époque avait donné un âge de 450 000 ans, plus l'infini, moins 210 000 ans. Et toutes les analyses postérieures à cette datation se sont révélées du même niveau. Et il apparaît maintenant que dans le fameux sol G, qui est une couche qui contient des milliers d'artefacts lithiques osseux attestant de l'occupation de l'homme, à un âge de 400 à 450 000 ans. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ici nous avons une approche extrêmement pluridisciplinaire. Et tout le monde s'attachait à développer ces méthodes sur le site de l'Arago pour arriver à des résultats dont on pouvait discuter et ainsi participer à une chronologie, à développer et à mieux comprendre l'histoire de ce site qui est quand même un site majeur en Europe. On évoquait tout à l'heure donc l'évolution des méthodes de datation et qui ont permis d'affiner la chronologie du site de la cône de l'Arago. Ici, à quels moyens vous avez recours pour dater les échantillons qui vous parviennent? Alors, il y a eu un grand progrès dans l'application des méthodes de datation, c'est l'utilisation de la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, contrairement aux méthodes classiques de datation qui repose sur le phénomène de la radioactivité naturelle. Donc, les méthodes classiques mesurent des désintégrations. Quand on utilise la spectrométrie de masse, on mesure non plus des désintégrations, mais on mesure des atomes, c'est-à-dire qu'on va multiplier le nombre de mesures tout simplement par 10 puissance 23, par le nombre d'Avogadro. Donc, évidemment, on n'est plus dans la même optique. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur des échantillons beaucoup plus petits, à des résolutions beaucoup plus grandes, et on va de fait améliorer grandement le cadre chronologique. Alors ici, on utilise un spectromètre de masse couplé à une ICP-MS, en gros, et on utilise des spectromètres ESR qui nous permettent de combiner nos deux méthodes que l'on applique soit sur des dents, soit sur des carbonates, soit sur des grains de quartz. Alors les grains de quartz, évidemment, c'est un échantillon très riche dans la mesure où il est carrément ubiquiste, c'est-à-dire qu'on en trouve vraiment quasiment partout dans tous les sédiments. Et donc, on va pouvoir appliquer cette méthode à beaucoup de sites. Voilà. Alors, admettons qu'il y ait une manipulation, comment ça se passe? Je vous apporte un échantillon et combien de temps ça prend avant que cet échantillon vous parle? En général, on va sur le terrain. On discute, on regarde ce qui se passe dans la stratigraphie et en fonction de ça, on prélève des dents, par exemple, des dents d'herbivores. Pourquoi des herbivores? Parce qu'elles ont un émail qui est beaucoup plus épais que celui des carnivores. Et quand on reçoit la dent dans le laboratoire, il y a une première étape qui consiste à préparer la dent, c'est-à-dire séparer les tissus dentaires, émail, dentine, parfois sément, à bien les isoler. Et dans un deuxième temps, on va faire des analyses de radioactivité pour chacun de ces tissus. Ensuite, on va travailler sur l'émail, parce que l'émail est mieux cristallisé, n'a pas de matière organique, très peu d'eau. Donc, on va considérer que l'émail fonctionne plus en système clos vis-à-vis de l'incorporation de l'uranium, parce que c'est bien de ça dont on parle. Et à ce moment-là, on va préparer notre échantillon pour l'irradier de façon artificielle dans un autre laboratoire, qui va revenir, que l'on analysera en ESR, puis par les séries de l'uranium, parce que les séries de l'uranium sont destructives, pour finalement faire toute une série d'analyses qui vont durer entre 1 an et 2 ans. Mais d'une façon générale, le développement de la spectrométrie de masse a permis vraiment une résolution et des erreurs sur les âges beaucoup plus petites. Et maintenant, on est au bas de la séquence, et dans le bas de la séquence, il y a un deuxième sol d'occupation qui est très riche et que nous avons commencé à dater. Nous avons obtenu des âges qui sont encore difficiles parce que plus on va dans les âges vieux, plus c'est difficile à dater. Donc, on est autour de 500, 600 000 ans. Mais on n'a pas une résolution encore très nette. C'est la raison pour laquelle, il y a 2-3 mois, j'ai discuté avec Christian Pernou, qui est le responsable des fouilles à Totavel. Qui sera notre invité dans l'émission. Voilà. Et qui m'a confié un grand nombre de dents, de façon à ce que l'on puisse tenter d'obtenir des âges plus fiables. Et si les âges sont les mêmes, à ce moment-là, on pourra penser que les âges obtenus sont corrects. Voilà ce laboratoire de datation qui est la cône de l'Arago. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Amélie Vialet? C'est vrai que c'est impressionnant de se rendre compte que la cône de l'Arago, comme elle a 50 ans d'histoire derrière elle, elle fait partie de l'histoire de la préhistoire, elle fait partie de tous les développements en fait technologiques, analytiques et même conceptuels qu'on vit depuis plusieurs générations. Christian Pernou? Oui, oui, tout à fait. Il y a un aspect extrêmement important des datations également. Je me souviens, quand on a trouvé les premiers restes humains dans les niveaux inférieurs, on nous a dit comment c'est possible que vous ayez déjà un âge. Ou pareil pour Arago 152. En fait, tout à fait au début, vous l'avez rappelé vous-même, il y a la stratigraphie. Et ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est que quand le vent amène ces petites particules sur le devant de la grotte, quand elles sont amenées soit directement dans la grotte, soit tout très doucement à l'occasion d'un orage, vous avez quoi, un demi-millimètre qui va s'accumuler dans la grotte. Et donc, ça fait que les dépôts sont très lités. Quand vous fouillez une partie et vous fouillez pas l'autre, vous voyez comme les pages d'un livre. Et en fait, c'est par attribution. Donc c'est reconnaissance de l'empilement de toutes ces couches que l'on subdivise de diverses manières. Par exemple, pour les niveaux archéologiques, c'est les lettres de l'alphabet. Quand on trouve un objet, quand on veut connaître l'âge d'un objet, on va évidemment pas sacrifier un reste humain. Puisque Christophe vous l'a dit, les restes les plus les datations par uranium-thorium sont destructives. sauf quand vous faites de la spectrogamma, mais c'est exceptionnel. Et donc, vous avez en fait des datations. Là, c'est malheureusement, c'est les paléontologues qui sont moins contents, puisqu'on détruit des dents de chevaux, des dents de bison, des dents de rhinocéros, par exemple, qui sont des bons matériaux. Et c'est avec ces dates-là, avec ces âges-là, qu'on va permettre de dater finalement l'ensemble de la page du livre, si, la couche, si je reprends la métaphore. Mmh. Et également, il y a donc toute cette chronologie relative, c'est la page la plus haute, la page la plus basse, et puis les éléments phoniques qui sont à l'intérieur, les différentes espèces, puisque les espèces vont évoluer dans le temps. Et donc, on n'aura pas les mêmes espèces sur 600 000 ans de préhistoire que représente la cône de l'Arago, en haut, comme en bas de la stratigraphie. Donc, c'est vraiment une intercalibration des méthodes qui va permettre d'être au plus proche de la date réelle. On va parler un peu de ces occupants de la cône de l'Arago sur cette longue période de temps. Vous allez voir qu'eux aussi continuent de poser quelques questions et de représenter des casse-têtes pour les paléoanthropologues. I'm going there with you. I'm curious to know your perception. I'm going there with you. Ladies in pretty dresses, men laughing out loud. They always keep on talking, but I never know what it's about. Flavor, empty air, but I can breathe okay in the spaceship I made. I can breathe okay. Sky kiss body and soul. Sky kiss baby, I'm sorry. We are walking in a white mist. Kiss de Casey Lambist sur France Culture à 16h40. Nous parlons de la grotte de Totavel, autrement appelée la cône de l'Arago, en compagnie d'Amélie Vialet, qui est paléo-anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et membre du programme de recherche de Totavel, et Christian Pernoux, qui est géoarchéologue également au Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur des fouilles à la cône de l'Arago depuis 2007, qui est avec nous en direct depuis Totavel. Alors on va parler un peu de ce fameux homme ou de ces fameux hommes et femmes de Totavel, mais avant ça, je pense que Amélie Vialet, il faut faire un petit point de rappel sur l'histoire de l'espèce humaine entre 700 et 500 000 ans, puisque l'homme de Totavel est daté à 450 000 ans. Pourquoi est-ce que c'est si exceptionnel de trouver des représentants du genre Homo à cet endroit-là, à cette date-là? Alors, ce sont les seuls, j'allais vous proposer une petite rétrospective depuis 2,8 millions d'années. Je vous en prie, alors allez-y, si on peut voir plus large. Que, en fait, c'est les premiers représentants de notre genre, le genre Homo, on les a en Afrique de l'Est autour de 2,8 millions. On les trouve en dehors de l'Afrique à partir d'1,8 million, en Géorgie notamment. Ils sont peut-être sortis un peu plus tôt, mais bon, les évidences qu'on a sont en Géorgie, dans le site de Dmanisi que vous connaissez, à 1,8 million. Et puis ensuite, en Europe, depuis les découvertes d'un collègue espagnol, on a des fossiles humains autour de 1,4 million, 1,2 million, ce qu'on n'attendait pas trop. Hein. Quand on trouve la face de l'homme de Totavel en 71, on est vraiment pas sur cette échelle de temps. On pense que le peuplement de l'Europe est beaucoup plus récent. Là, on a reculé dans le temps. Et puis, si on arrive maintenant sur la France, ben, c'est vrai que pour ces périodes de temps de l'homme de Totavel entre 550 et 450 000 ans, on n'a pas d'équivalent. Donc, finalement, nos hommes de Totavel sont les plus vieux français. Alors, c'est les plus vieux français. Et d'ailleurs, quand on les a... peut-être nous raconter un peu quelles sont les caractéristiques de ce crâne retrouvé en 1971, complété d'ailleurs un peu plus tard, parce que on a dit que c'était une sorte d'Homo erectus européen, mais je crois qu'aujourd'hui cette classification a plus beaucoup de sens. Oui, alors on peut aborder la question de différentes manières, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de l'histoire des idées, du cadre conceptuel, et comme justement cette découverte, elle a traversé le temps, enfin notre temps à nous, depuis les années 70, et que évidemment on a fait d'autres découvertes et qu'on a pensé les scénarios évolutifs d'une façon un peu différente, c'est aussi pour ça qu'on a ce glissement, en fait, cette attribution qu'on dit taxinomique, un peu différente entre les Homo erectus et les Homo heidelbergensis. Mais en fait, on parle de la même chose, c'est juste qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Donc c'est vrai que ce qui était marquant dans les années 80, c'était ces Homo erectus. On les avait bien identifiés en Asie d'abord, en Afrique également, en Afrique du Nord avec les fossiles de Tigenif par exemple. Et puis quand on commence à trouver ces restes anciens en France et en Europe, c'est vrai que c'est le terme Homo erectus qui s'impose. Parce qu'on retrouve aussi des caractéristiques anatomiques qu'on a sur les erectus asiatiques par exemple. Comme par exemple ? Alors la face dont vous parlez, Arago 21, présente ce qu'on appelle le bourrelet supraorbitaire, c'est-à-dire un petit bourrelet osseux au-dessus des orbites, qui est assez rectiligne et c'est tout à fait comparable aux Homo erectus asiatiques. Sur l'os pariétal dont vous parliez également, c'est-à-dire que 8 ans après la face, on a découvert un os pariétal qui, par en fait les petites dents qui forment les sutures crâniennes, s'engraine totalement bien avec cette face. Donc il s'agit du même, individu. Du même individu. Et sur cet os pariétal, par exemple, on a un petit renflement au niveau de l'attache musculaire de la ligne temporale, au niveau de sa partie postérieure, qu'on appelle le torus angularis. Et ce petit bombement, c'est pareil, on le retrouve plutôt sur les Homo erectus asiatiques, par exemple. Voilà. Alors, depuis, en fait, il y a eu les découvertes des fossiles espagnols, essentiellement le site de la Cima de los Huesos, dont on parlait tout à l'heure avec 6000 restes humains, qui correspondent à peu près à 28 individus, et qui, du coup, nous a apporté un éclairage important sur, justement, la morphologie de ces hommes autour de 400 000 ans et de leur variabilité. Voilà. Et de ce fait, on est allé un petit peu convoquer un fossile qu'on avait un peu oublié, c'est la mandibule de Mauer en Allemagne, qui est trouvée tout début du XXe siècle, qui paraît tellement étonnante parce qu'on voit bien que c'est pas un néandertalien, on voit bien que c'est pas un homo sapiens, donc en fait Schoetensack à l'époque, en 1908, va créer le terme homo heidelbergensis pour caractériser cette mandibule. Puis on va un petit peu l'oublier, parce qu'en fait, on ne va pas trouver vraiment beaucoup de mandibules. Il y en a une dans le site de Montmorin, dans les Pyrénées, dans les années 50. Et puis ensuite, c'est au Tavel, c'est là où on trouve les mandibules fossiles. Donc en fait, la discussion revient en fait à l'occasion de Tavel, mais surtout des fossiles espagnols, de cet Homo heidelbergensis. L'idée d'Heidelbergensis, c'est qu'en fait, ce serait l'ancêtre des hommes de Néandertal en Europe. Donc c'est bien pour ça qu'on dit la même chose mais de façon différente en parlant d'Erectus heidelbergensis pour Tavel, parce que si on parle d'Homo erectus, on regarde là d'où il vient. Et en effet, son ancêtre est forcément un Homo erectus d'où qu'il vienne, c'est ce dire. D'Afrique ou d'Asie, voilà. Peut-être d'Asie, parce qu'on voit aussi qu'il y a la faune, il y a des animaux qu'on retrouve à Tavel qui sont d'origine asiatique. Donc il y a peut-être en effet des couloirs de diffusion et des zones de passage depuis l'Asie. De migration, voilà. Oui, tout à fait. Et sinon, on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce que l'homme de Tavel a pu engendrer. Est-ce qu'il est à l'origine de ces hommes de Néandertal? On trouve quelques caractéristiques qui vont être maintenus chez les Néandertaliens, mais maintenus et amplifiés, comme par exemple la face, justement, encore une fois. Alors le front, peut-être pas tant que ça, mais je dirais la face, vraiment la face moyenne, entre les orbites et la cavité buccale, elle est en extension, elle est gonflée, on pourrait dire, déjà un petit peu sur la face Arago 21, et elle va l'être de façon spectaculaire chez les Néandertaliens, mais qui sont beaucoup plus récents, qu'on connaît. Néandertal, c'est 300 000 les premiers, c'est ça? Oui, mais alors ces faces dont on parle, c'est plutôt les Néandertaliens classiques, comme on les appelle, c'est-à-dire en fin d'histoire, et qui sont autour de 50 000, 70 000 ans. Okay. Voilà. Et ça, donc, c'est un caractère qui va être maintenu, même s'il est un petit peu amplifié, modifié chez Néandertal. Et donc, si on le voit apparaître sur la face Arago 21, ça peut être un indicateur du fait que c'est un ancêtre des Néandertaliens. À ce moment-là, on peut lui attribuer le titre de Homo heidelbergensis, avec la signification que ce serait un ancêtre des Néandertaliens qui arrive un peu plus tard en Europe, qui se développe. Parce qu'on a cette vision en fait, d'évolution graduelle des Néandertaliens en Europe, ce qu'on a appelé la lignée néandertalienne. Parce que se pose la question également du trajet de l'arrivée à Tavel, et avec évidemment la question vraisemblable du passage par l'Espagne, par l'Afrique du Nord, où on a des indices là-dessus, ou pour le moment c'est totalement... Très très peu, les pièces anthropologiques, ce sont des pièces de puzzle toujours, en a quelques-unes pour reconstituer l'ensemble. Il manque le dessin principal. Exactement, et donc il y a des hiatus en fait, et c'est vrai qu'en entre 1 million d'années et 600 000 ans, on n'a pas énormément de fossiles. C'est pour ça que les fossiles de la cône de l'Arago, ceux qu'on est en train de mettre au jour dans les niveaux à 560 000 ans, sont importants parce qu'on recule un peu dans le temps et qu'on va pouvoir documenter ces premiers arrivants français. Christian Pernoud, à ce propos, quel est votre point de vue de géoarchéologue ? Oh, c'est plus une remarque. L'essentiel d'un site archéologique, c'est quand même des sédiments. Donc j'ai classiquement suffisamment de matériel. Et une boutade classique dans nos disciplines, lors des chantiers de fouilles, c'est qu'il y a plus de paléoanthropologues que de restes humains. Donc ce qu'il faudrait, c'est continuer les fouilles et retrouver du matériel. Pas du tout. Le but n'est pas de trouver les objets. Le but, c'est de reconstituer les paléo-environnements, les paléo-modes de vie, etc. Tout un. Mais entre ce dont a parlé Amélie, les restes d'hominidés les plus récents finalement d'Atapuerca en Espagne, donc ils sont à 800 000, et les époques contemporaines de la cône de l'Arago vers 400 000, il n'y a quasiment rien en Europe, ou sinon rien, il y a peut-être une dent à droite. Il y a une grande lacune dans les restes humains, et évidemment, c'est quelque part une porte ouverte pour beaucoup d'interprétations, ce qui est logique, hein, il faut faire parler ce qu'on a, mais je pense que la solution viendra quand même par la découverte de nouveaux matériaux. Parce que la question qui se pose également à Totavel, c'est qu'on l'a dit, hein, alors 700 000 ans, on n'a pas encore excavé à cet endroit-là, mais depuis 550 000, puisque le plus ancien reste humain est daté à 550 000, jusqu'à 90 000, les plus récents, que disent-ils de l'espèce ? Parce que, est-ce que ce sont toujours les descendants de cet Homo heidelbergensis de Totavel, ou est-ce que ce sont d'autres espèces ? Puisque à cette époque-là, à partir de 300 000, les Néandertaliens sont normalement à cet endroit-là, vraisemblablement. Alors, on n'a pas assez de matériel. On parlait de cette approche diachronique. C'est vrai qu'elle sera possible au sein de la grotte de Totavel dans quelques années, quand on aura avancé ces niveaux en cours de fouille à 550 000 ans. Parce que pour l'instant, les éléments, on a 7 dents qui relèvent de ces niveaux anciens. Donc évidemment, c'est trop peu pour faire des comparaisons avec les hommes de 450 000 ans et surtout pour tirer des conclusions sur l'évolution réellement morphologique de ces groupes humains. Mais pour les plus récents, au contraire, en fait, c'était ça ma question, c'est pour les alors restes humains qui pareil. Sont plus récents. Oui, alors c'est un peu pareil parce que finalement, on a dit 152 restes humains au total, mais on en a 134 qui proviennent de ces niveaux à 450 000 ans. La grande majorité des restes humains, elle est à 450 000 ans. C'est pour ça qu'on a souvent réduit à l'homme de Totavel plutôt qu'aux hommes de Totavel, parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux à 450 000 ans. Donc on n'est pas vraiment en capacité de voir les différences évolutives. En revanche, par manque en fait d'éléments de comparaison, on n'a pas assez de fossiles dans les niveaux plus anciens et plus récents. En revanche, ce qui est intéressant pour cette approche comparative, c'est justement de regarder les sites contemporain. Et quand on regarde le site de la Cima de los Huesos, donc en Espagne à Atapuerca, à 400 000 ans, on est quand même pas loin des 450 000 ans de notre homme de Totavel, et les différences morphologiques sont très importantes. Oui. Donc en fait, c'est là qu'en fait on change notre vision des choses, parce qu'on se dit, c'est pas une évolution linéaire. Parce qu'en fait, il y a à un moment donné, si on se met à 400 000 ans, on a des groupes qui ont des morphologies variées. Le problème, c'est que à partir de là, comment on interprète cette variabilité ? Est-ce que c'est un groupe qui était... Enfin, c'est le même groupe, la même population, mais qui était très variable, on dit très dimorphe, ou est-ce que ce sont plein de petites populations différentes ? Avec de la divergence évolutive. Exactement, voilà. Et si on va plus loin, dans le sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en place de cette lignée néandertalienne en Europe et qui est réellement son ancêtre, eh bien les fossiles de la Cima de los Huesos en Espagne sont de meilleurs candidats, sont beaucoup mieux positionnés parce qu'ils ont déjà, par exemple au niveau de la dentition, ils ont des dents qui sont totalement celles des néandertaliens. Si on parle maintenant justement un peu des comportements, on parlait tout à l'heure au début de l'émission des traces de boucherie, se pose évidemment la question du cannibalisme. Alors le cannibalisme, ça fait toujours des grands titres, on se dit ah mon Dieu, les ancêtres cannibales, mais plus concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que l'on sait de l'outillage, de la maîtrise ou non du feu, de l'alimentation, des comportements que l'on peut inférer de cette strate de 450 000 ans. Alors finalement, Peut-être Christian apportera des précisions sur ces éléments-là. On est dans une ambiance, on va dire, HLN. Hein, donc, réellement, ce sont ces industries lithiques qu'on façonne, par exemple, le biface. Alors, on n'a pas le biface en abondance dans tous les niveaux. Il y en a quelques-uns néanmoins. Mais voilà, et surtout dans les niveaux en cours de fouille, encore une fois, à 550 000 ans. Vous voyez à quel point ils sont passionnants, ces niveaux. c'est cette ambiance-là, vraiment, du paléolithique inférieur. Hein. Ce n'est pas le paléolithique moyen de Néandertal, justement. Ce n'est pas les modes de débitage de Néandertal. C'est vraiment les modes qui les précèdent. Et puis au niveau de la maîtrise du feu, ben, je dirais que presque en théorie, ils devraient maîtriser le feu parce qu'on a le site quasiment contemporain, enfin plus récent hein, quand même, de Terra Amata dans la ville de Nice autour de 380 000 ans, où on a vraiment des foyers aménagés qui sont bien maîtrisés, bien entretenus. Donc on n'est pas loin en fait de cette maîtrise du feu, mais il n'y a pas de traces aussi évidentes pour ces niveaux anciens à l'Arago comme vraiment des foyers, des cendres, des charbons de bois, etc. On n'a pas ces traces-là. Alors, c'est vrai que ça doit faire une différence en termes de comportement parce que, évidemment, la maîtrise du feu a été un facteur d'hominisation extrêmement important au cours de notre histoire. Christian Pernoux, sur cette question. Oui, donc, en fait, c'est pour le feu, il y a une étude qui va sortir dans pas longtemps, justement, à l'occasion d'études sur la susceptibilité magnétique du remplissage. Donc, on calcule les éléments de qui vont donner une réponse à la susceptibilité magnétique. Une personne, donc Damien Deldic, de l'École normale supérieure à Paris, qui, je le félicite d'ailleurs, il a eu la médaille de cristal du CNRS cette année. Et il a mis en évidence, pour savoir d'où venait cette susceptibilité magnétique élevée dans les niveaux justement à 560 000 ans, il a pu découvrir des charbons de bois, des charbons vitrifiés, et se pose la question d'une maîtrise du feu ou d'un apport de feu anthropique depuis l'extérieur, par exemple, ou simplement de charbons qui sont là parce qu'il y a eu un paléo-incendie tout à fait naturel. Donc on a un petit peu encore à travailler, mais on va déjà sortir une première étude. Ça, c'est pour le feu. Autrement, donc le feu est vraiment ponctuel dans le remplissage de la côte de l'Arago. Et il n'est vraiment attesté qu'à partir des niveaux plus récents que 400 000 ans. Oui. Autrement, sur les comportements, ce qui est fabuleux à la côte de l'Arago, c'est de savoir que jusqu'au niveau de 560 000 ans, les plus anciens donc, fouillés à l'heure actuelle, ce sont bien des comportements de chasseurs. Ce ne sont pas des charognards. Oh, charognards. Ils sont charognards également, occasionnels, mais ce sont des chasseurs. Qu'est-ce qui permet de l'attester, ça ? Pardon ? Qu'est-ce qui permet de l'attester, ça ? C'est vraiment essentiellement l'âge des animaux abattus et leur état de santé. Donc quand vous avez que des vieux, que des récupérations de certaines parties animales, quand vous avez, ou que des très jeunes ou que des très vieux, en fait c'est possible que ce soit en fait des grands carnivores qui aient abattu l'animal, et l'homme va en profiter, va peut-être chasser aussi, enfin éloigner les carnivores, le temps de lui chiper un quartier, voilà. Donc par contre, à la côte de l'Arago, voilà, vers 560 000 ans, on sait que ce sont vraiment des chasseurs qui vont pas hésiter à s'attaquer à des bisons adultes en pleine forme, comme des chevaux ou des rennes. Enfin, les rennes, c'est un animal plus petit, même si celui de la côte de l'Arago est très grand. Donc ces éléments-là sont finalement à paralléliser, à confronter en fait avec ce qu'on va voir dans le futur, j'espère proche, donc des niveaux les plus anciens, puisque vers 700 000 ans, il y a quelques sites en Europe où il n'y a pas de restes humains, mais on sait que les peuples étaient plutôt charognards. Donc est-ce que, voilà, il y aurait d'enregistrer à la côte de l'Arago, possiblement, aussi, un le passage d'une humanité charognard, à une humanité chasseuse. Ce sera un sujet passionnant pour une prochaine mission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de la côte de l'Arago et de cette grotte de Totavel. Merci Amélie Vialet, merci Christian Pernoux. Je tiens à vous dire, si vous aimez ces sujets comme nous qui sont passionnants de paléoanthropologie, on vous parlera bientôt d'une autre grotte, de la grotte de Cussac. Et puis un mot également pour vous dire que les idées claires, c'était hier, j'ai oublié de vous en parler, je vous en parle aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer dans vos réseaux sociaux des publicités qui vantent les mérites de ces jeunes intermittents qui vous rendent plus beau, plus maigre, plus jeune, éternellement. Eh bien, on fait le point sur ces jeunes de bien-être. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça pour la santé? Ce sont sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Hélène Trigueros à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction. Nous allons partir loin pour l'autre bout de l'univers. Oui, mais comment? Dans quel type de véhicule? C'est important, le véhicule, pour se déplacer aussi. On ouvre le garage spatial de La Méthode Scientifique. On vous parle des vaisseaux spatiaux. Vous êtes plutôt quoi? Faucon Millennium, Battlestar Galactica, Enterprise ou Sulaco? On fait l'Argus des vaisseaux spatiaux demain pour savoir quelles sont les meilleures occasions. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.